Alors, aujourd'hui, on ne pourrait plus vivre sans les réseaux sociaux. D'accord, pas d'accord. Ouais, j'avoue. Non, pas d'accord. Non, pas d'accord. Parce que tu en fait, non, je suis pas d'accord. Tu vis quand même. Tu vis, tu peux pas. Hein, tu peux pas aller avec ça. Merci, merci. Ah, c'est vrai, attends, quand j'étais gamine, je vivais sans réseaux sociaux. Ouais, donc avant cet appétit, tu vivais très bien. Il y a longtemps, ça. Mais oui, mais. On a des parents et pourtant, ils avaient pas cette appétit. Alors, il y en a qui se sont mis dans. D'accord. En vrai, au milieu, vous êtes des malades. Vous seriez capable de vivre sans les réseaux sociaux? De vivre sans ? Oui. Non, de pas vivre. Vous, aujourd'hui, on ne pourrait plus vivre sans les réseaux sociaux. Ah oui, donc vous, vous trouvez qu'on ne pourrait plus vivre sans les réseaux sociaux. Mais et donc vous pensez qu'on pourrait vivre sans les réseaux sociaux ? Moi, je suis oui. T'es entre les deux ? Ouais, alors vas-y, pourquoi tu t'es mis entre les deux ? Bah, parce qu'il y a des moments où on va s'ennuyer, du coup, bah, on voudra aller sur les réseaux sociaux. Non, parce que des fois, les réseaux sociaux, des fois, ça aide. Hein. Genre, c'est pas que pour... Bah ouais, regardez, donc, en vrai, je suis entre les deux. Parce qu'en soi, les réseaux sociaux, c'est pas que pour Snap, TikTok, ça ne serait pas... Enfin, c'est pas que pour, en gros, savoir si Yasmine et Soso, ils sont toujours ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Ils sont toujours ensemble. Oui, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plein de choses qui passent par les réseaux sociaux ? Bah si. Par exemple, pour les devoirs, en fait, vous passez par les réseaux sociaux. Même presque par nos devoirs. Mais et puis sur Google, il y a Google Traduction, je pense que ça reste toute seule. Pronote est considéré comme un réseau social. Non, j'ai changé. Moi, j'ai pas de Google, alors qui demain désinstalle tous ces réseaux sociaux pour tester? Ah quoi? Je l'ai déjà fait. Moi, je ne peux pas. J'ai un problème. Ouais, Pronote, c'est un réseau social. Ah ouais. Que, non, moi j'ai Pronote, c'est un réseau. Comme un réseau social. Bah, parce qu'on communique avec les profs. C'est vrai que on communique avec les élèves de la classe. Non, bah, supprimer vrai. Ouais. Ah non. Bonjour, alors d'aujourd'hui, je suis dans la classe. Ensuite. Toujours vous avez à quelle heure? Oh là. C'est moi qui suis responsable de ma consommation. C'est moi qui suis responsable de ma consommation des réseaux sociaux. Oui. C'est toi qui es moi qui suis responsable de ma consommation des réseaux sociaux. Bah oui, c'est pas les autres. Bah oui, bah logique. Genre, c'est toi qui décides de... Oui. Si je veux passer du temps sur les réseaux. Je me mets là. Après, moi, je suis entre les deux. Hein. Je me mets entre les deux, moi. C'est ta faute. Parce que, bah non, parce que les réseaux sociaux aussi, ça nous attire. Il faut en sorte qu'on soit attiré. Oui, mais si. Oui, mais si tu te dis, non, je vais pas utiliser. Oui, mais on est tous accros. Alors, on est responsable en partie. On peut s'arrêter si on fait le choix de s'arrêter. Mais tout est fait aussi pour t'inciter, quand même. Donc... Il y a quand même un petit peu de... C'est les deux, 50-50. Voilà. On est d'accord. Ensuite, lorsque je reçois un message ou une notification, c'est plus fort que moi, je regarde mon téléphone dans l'instant. Non. Je vais rappeler. Lorsque en gros, je reçois un message... Tu vas direct sur ton téléphone ou tu peux... Non. Attends, là, je peux te déroger. Soyez honnête. Toi, oui, toi. Ouais, j'en trouve. C'est pas... L'interdiction des portables au collège est une bonne chose. Oui. Ah, moi je pense que oui. L'interdiction des portables au collège, c'est une bonne chose. Non, d'accord. Non, c'est une bonne chose. Tu trouves? Oui. Ouais. Parce qu'au collège, par exemple, il y en a, ils vont s'habiller. Mais c'est quoi le rapport? Ouais, écoute, sur ce génie. J'ai pas fini. Ah, j'ai pas fini, wesh. J'ai pas fini. Tu veux dire, attends, je peux écouter. Voilà, écoute. Par exemple, quand on a son téléphone au collège, bon, on peut prendre en photo tout et n'importe quoi. On peut prendre en photo des personnes sans qu'elles le sachent. Écoute, c'est pas fini. Par exemple, il y en a, ils ont pas le même style que nous. Il y en a, ils ont pas les moyens de s'habiller comme on s'habille. Du coup, bah, il y en a, ils sont pas. Ils ont pas cette mentalité. C'est-à-dire, ils vont prendre en photo les gens pour les afficher. D'accord. Donc voilà. Okay. Attends. Oh la chouette. Mais arrête toi avec ce rôle. Chacun c'est les papiers. Non. C'est pas moi-même. D'accord avec toi. Instagram est toxique pour l'image de soi des adolescentes. En mode, les gens ils prennent trop des images. Je sais pas comment dire. Sur en gros, il y a des influenceuses. En mode, Est-ce que vous trouvez que Instagram c'est toxique pour par rapport à l'image de soi qu'ont les adolescentes? Ouais. D'accord. Ouais. Mais pas tout à l'heure. Ouais, parce que c'est moi aussi, mais en fait, c'est. De quoi? Tu n'es pas d'accord? T'as dit quoi? C'est plutôt Snap. Tu dirais que c'est plutôt Snap? Ouais, parce que c'est là-bas où tu fais tourner plus de choses. Genre sur Insta, genre c'est pas la vraie vie, ça, c'est vrai. Genre après, tu peux retoucher tes photos et tout, mais. Okay. Du coup, tu te laisses pas influencer par les images que tu vois sur Insta? Arrête, quand tu vois des influenceuses, tu dis moi j'aimerais trop être comme elle. Bah, sois honnête, mais sois honnête, quoi. C'est dur d'être avec ses copines parce qu'elles ont tous les dossiers. Moi je suis j'ai la flemme de me lever, mais en vrai je me mettrais entre les deux, parce que moi je pense que tout dépend de ce qu'on suit, hein. Moi je vois, et d'ailleurs c'est mon cas, je suis beaucoup de comptes féministes où on revalorise en fait la normalité de ce que devrait être un corps de femme, et c'est de plus en plus souvent qu'on voit des femmes qui postent leur cellulite, leur vergeture. C'est quoi, ça se fait de plus en plus maintenant, donc je suis mitigée parce que pour moi ça dépend de ce que tu vois dans ton feed. Ah oui, là, Lorsqu'on a une réputation, on a de plus de risques de se faire agresser dans la vie. Non. Non. Entre les deux. Mais ça va pas la tête que tu dis. Ça se peut, tu vas marcher dans la rue, il y a quelqu'un qui peut te dire, voilà, tu me sautes de la tête. Mais moi, en fait, j'en vois ta tête à côté. Non, exprime-toi, Mélissa. Mais non, je suis pas d'accord avec elle. Vas-y. Parce que dans tous les cas, les gens, ils se font. Enfin, il y a des petites. Qui peut se faire agresser. Ouais, voilà, n'importe qui peut se faire agresser. Ouais, mais si elles ont des réputations, encore plus, parce que du coup, les personnes, elles savent que ces personnes-là, elles ont des réputations. Ça fait que. Je suis pas d'accord. Ben non, parce que moi, si on m'attaque, je vais attaquer aussi. Oui, on t'a quand même attaqué. Non, mais agresser comment, par contre? Pardon? Agresser comment? Verbalement. En mode. Tu sais, on s'insulte et tout. On n'a pas de. Non, mais je pensais que tu parlais en gros Zerma. Viol? Oui. Ah, non. Ah, bah non. Non, d'accord. Des personnes qui me connaissent. Par exemple, ou qui te reconnaissent. Moi, je me suis jamais fait agresser. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on choisit là? On n'en a plus beaucoup de temps. Ceux qui harcèlent, c'est toujours des gens qui ont confiance en eux. Ouais, parce que si tu rêves, genre si tu t'en fous en fait, la personne tu vas pas jusqu'à aller la harceler. Regardez, moi je suis belle, je suis bonne et tout. C'est pas pour autant que vous allez rabaisser quelqu'un. Parce que je pense que quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin de vous ici. En fait, les gens qui se sentent de rabaisser les autres, c'est parce qu'ils ont pas confiance en eux. Alors qu'en vrai, j'en suis sûr, ils pleurent dans les bras de leur mère. Ouais, arrête, regarde comme ça. Tu me prends ma chérie. Si, alors, dernière question, je pense que ce sera la dernière. Si on ignore ceux qui nous harcèlent, ils vont finir par se lasser. Oui. Après, faut pas que ignorer, faut en parler aussi. Bah mets-toi au milieu peut-être. Bah oui, Camilla, il faut venir ici, s'il n'y a pas de choses ici. Vous êtes toutes d'accord pour dire que ignorer, ça permet de... Si on répond, ils vont continuer. Ok. Ils vont voir que c'est quoi la question déjà. Si on ignore notre harceleur, il va finir par cela. Tu te rappelles quand je vous appelle des années ou pas? Il va plus calculer. Mais c'est chose d'importance, il va calculer. Alors, ça veut dire quoi, ignorer aussi? Faire comme s'il n'existait pas. Tu calcules pas, genre. Genre, en fait, on les voit pleurer, par exemple. Il va plus savoir. Genou est égal. C'est bon si on les ignore pas. Ça veut dire qu'on leur répond et tout. Ouais, mais pas que. Ça peut vouloir dire autre chose que ne pas ignorer. Non, pleurer. Non, mais ça peut aussi vouloir dire en parler. Oui, voilà. Pourquoi ce contact aussi forcé, là? Vous avez suivi pourquoi il y en a qui se sont mises plutôt de ce côté-là? Toi, tu es d'accord pour dire que si on les ignore, ils finissent par se lasser? Ouais. Toi aussi? Ouais. Ah ouais, ouais. C'est quoi ce ouais ouais? C'est un ouais moyen. J'ai la fait tout le monde. Okay. C'est le ouais ouais zéro. Et ben on va passer à, au prochain temps de notre soirée parce que le temps file. Vous pouvez vous asseoir. Oh. Petit en mode brisé. Ok. Alors l'idée c'est, vous allez vous rassembler, vous pouvez vous mettre ailleurs dans l'espace ou resserrer les chaises ou quoi. L'idée c'est de discuter à deux et après on échange en grand groupe. Ok. Oui. On va discuter de quoi? Bah je vais te dire. L'idée c'est que là on a parlé d'un thème un peu large. Nous on avait notre. Ça va aller. Là, pour l'instant, on a parlé du thème au sens large, des réseaux sociaux et des hésitations. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu ce qui est, pour vous, le problème dans la question des réputations et des réseaux sociaux. Donc, on va vous demander d'échanger en petits groupes deux, trois problèmes que vous voyez dans la question des réseaux sociaux et des réputations. Et ensuite, on va faire un tour de table en grand groupe pour se dire qu'est-ce qui s'est dit dans les petits groupes et surtout chercher un petit peu ensemble à comprendre les causes et les conséquences des problèmes. Et les problèmes les plus graves. Donc, hein, c'est trop. Ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas ? C'est quand qu'on va faire le tour de table ? Après, pour l'instant, on passe 5-10 minutes à discuter à deux. Et après, il y en a une des deux qui va dire en grand à tout le monde un petit peu ce qui s'est dit dans le petit groupe. Vous allez mettre une table là-bas et vous allez faire le tour. Mais pas la table. Ah non, alors quand je dis un tour de table, c'est vrai qu'il n'y a pas de table, t'as raison, un tour de cercle. C'est quoi le sujet ? Le sujet, c'est pour vous, c'est quoi le problème qui est lié aux réseaux sociaux ou à la réputation ? Ou les jeux ? Par exemple. J'ai une idée. Ok. Vous avez des idées ? Ouais. Bah, on vous laisse échanger pour que vous reveniez avec une idée, le plus gros problème, si vous voulez. Si vous êtes dans le coma, vous pouvez. Vous pouvez aller vous mettre plus loin, vous pouvez prendre l'air, comme vous voulez. C'est quel mon verre ? Alors. T'as vu ou pas ? Loup ton verre. Oui, mais j'ai un verre qu'il ne faut pas toucher. C'est lui ? Je sais pas. Il est sec ? Je ne bois pas dedans. Je sais pas, c'est lequel. Dans le doute, tu t'abstiens. Prends-en un autre. En fait, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas grave. Il y avait des gobelets en plastique, t'as vu ? Ah bah ok, bah, tiens, regarde. Ouais, bah je vais prendre, merci. Là, ils sont là. Tu l'as déjà qu'un bouquin ? Et c'est très simple. Ok, je regarde. On se remet en cercle ? Bon, bah, ça se mélange un peu là quand même. C'est bon, Marie, non ? Pardon, c'est le mien ? Non, en fait, quand j'arrive, ça s'est dit. Est-ce que vous, les filles, on se remet en Basma et Sarah, est-ce que vous pouvez vous rapprocher comme ça, on se refait un petit cercle joli, s'il vous plaît. Ou alors tu te mets là, on met une chaise au milieu, comme ça. Hop, comme ça tu complètes le cercle. On est bon. Bon, j'écris très mal, mais bon. Hein. Pas un problème. Ok. Alors, est-ce que je peux vous... Alors, je peux vous faire confiance, on va se faire passer le micro. On fait gaffe. Il faut vraiment pas que ça tombe par terre, parce que c'est un bon matos, il est pas à moi. On le fait passer comme ça, celle qui a le micro, c'est celle qui parle, ok? C'est un peu un bâton de parole, mais qui enregistre vos voix. Alors... Ouais, et ben très bien, vous vous êtes mis d'accord, c'est parfait, j'ai même pas eu besoin de vous. Alors, l'idée, je vais pas te laisser dans le. sans consigne. On va noter là, et on va essayer de les rassembler un petit peu. Pour vous, selon vos petites discussions que vous avez eues entre vous, c'est quoi qui fait vraiment problème sur la question des réseaux sociaux et de la réputation ? Où sont les problèmes ? C'est quoi qui est les vrais problèmes ? Voilà. Donc, par où vous voulez qu'on commence ? Est-ce que... Ouais ? Non, l'autre côté. Tu t'es... Est-ce que c'est OK de commencer ? Alors, si c'est toi ou si c'est pas toi, je sais pas. Vous êtes d'accord ? sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait vraiment problème? Ouais, c'est quoi les pires problèmes qui sont liés aux réseaux sociaux ou à la réputation? Si tu sais pas, je dis sur les réseaux, après tu dis la réputation, ok? Non, mais moi, de toute façon, vous êtes là pour vous compléter les unes les autres et vous entraider. Ok, c'est bon? Ouais, on t'écoute. Ok, bah nous, ce qu'on trouvait qui posait problème sur les réseaux sociaux, c'était le fait que les gens, derrière leur téléphone, bah, sur les réseaux, du coup, ils se prenaient pour quelqu'un de plus... pour Rambo, en gros, derrière leur téléphone, ils peuvent dire des choses, alors qu'en face, ils ne diront pas les mêmes choses. Donc l'anonymat, ça libère un peu oui, les gens voilà. qui sont haineux, oui, par exemple ou... Ouais, ok. Sinon, on fait des post-it, tu veux tout faire, je vais les rassembler si tu veux. Ah, il est. Alors, si t'as fini, tu peux passer le micro, parfait. Bah, il y a aussi là, tu mets tout ça après. Ouais, ça ouais, mais... Bah, en fait, il y a des gens sur les réseaux sociaux, genre, en fait, ils sont fake. Genre, ils peuvent te dire, ouais, j'ai 15 ans, alors qu'en vrai, ils ont quoi, 46 ans, je sais pas, moi. Okay. En fait, genre, ils mentent sur leur identité. Enfin, moi, je dis ça, mais je fais pareil. Hein. Toi aussi, tu fais. En fait, l'anonymat, ça peut aussi être une fausse identité. Ouais. Et genre, le jour où tu vas le rencontrer, en fait, on sait pas ce qui peut se passer. Genre, surtout si c'est un psychopathe, en fait, on sait rien. Et surtout quand il t'envoie tes photos fake, genre, en plus, c'est cramé, hein. Mais moi, je dois. Attends. Mais là, on parlait des réseaux, là. Mais là, on peut parler de la réputation. Ah, bien sûr. C'était quoi déjà? Non, mais non, c'était quoi? Non, mais vous êtes d'accord? Aide-la, tu sais. Alors, moi, il disait, enfin, nous, on disait sur la réputation, c'est que c'est plus facile de. C'est plus facile de. Comment dire? De créer une réputation sur les réseaux sociaux, puisque tu peux mettre une fausse image. Je sais pas comment dire. Des fausses preuves, des fausses conversations. Et tu peux faire circuler des bruits sur quelqu'un sans qu'il l'a rien fait. Ok. Voilà. Ça marche. Merci. Donc, nous, on a trouvé que sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas assez de vigilance, en fait. On trouverait que ça serait bien qu'il y ait des systèmes pour bannir un peu ce qui incite à la haine, la violence, etc. Et à travers un téléphone aussi, on peut se faire passer pour n'importe qui. Du coup, c'est un peu dangereux. Il y a beaucoup d'enfants aussi. Il y a un problème d'âge. 13 ans, c'est trop jeune, enfin, je trouve. Et il y a beaucoup de pédophilie, etc. Enfin, il y a des... Par exemple, sur Instagram, on peut... enfin, il y a des discussions. Des gens peuvent envoyer des photos. Les enfants, ils savent pas trop comment servir de téléphone. Ils peuvent ouvrir et ça peut un peu les choquer. Voilà. On réfléchit. Hein. Mais vas-y, pour les révisations. Il a d'autres messages dans ça. Ouais. J'ai quoi sur ça? Ils vont couper. Bah, comme elle l'a dit, les réseaux, ça devrait être plus vigilant. Parce que, comme on parlait tout à l'heure du taux de suicide. Bah, sur les réseaux sociaux, on peut vite mal parler à une personne, l'insulter, faire passer des choses qui sont fausses avec des montages, etc. Et du coup, surtout via les réseaux sociaux, ça se propage assez rapidement. Et voilà, faudrait plus être vigilant et bannir l'incitation à la haine. Mais ça repose la question de l'anonymat parce qu'en fait, si t'es banni, tu peux te recréer un autre compte et revenir juste après. Donc en fait, il y a aussi quand même un lien avec la question de l'identité, non ? Oui. Okay. Bah, maintenant, sur les réseaux, c'est devenu facile en fait de recréer des faux comptes. Ouais. Et du coup, surtout que c'est banalisé, on va dire. Du coup, maintenant, la moindre envie, on peut créer plusieurs comptes, quoi. coup. Moi j'ai fini. Attends, tiens le mot de mille. Quoi? Attention, attention. Je prends le de la voix. Elle veut que tu lui tiennes. C'est toi qui parles? Non, c'est bon, j'ai pas. Pourquoi? Donne-la à Audrey. Vous vous êtes mis d'accord ou pas sur les problèmes liés? Bah oui, mais j'ai oublié ce qu'il veut dire. Non, tu veux parler, s'il te plaît. Mais moi j'ai plein de choses à dire, mais c'est pas à moi de parler. Je sais pas, si tu as des choses à dire, vas-y, n'hésite pas. Mais t'avais pas quelque chose à dire Attends, j'ai pas trop près. Ah, c'est Shaima. Shaima, t'avais pas quelque chose à dire, toi? Je suis sûre que t'en as, t'as des choses à dire. Elle est vieille. Non, j'ai rien à dire. T'es d'accord avec ce qui a été dit, déjà? Tu vois rien d'autre? Non. T'as envie d'ajouter quelque chose ou pas? Elle se retire. Ça marche. Merci. Alors, là, Franck, il a été super balèze parce qu'il a tout noté ce que vous avez dit. J'espère. Toutes vos bonnes idées. On va essayer de les rassembler un petit peu, si ça se ressemble ou pas. Beaucoup de choses sur l'anonymat. Hein. J'ai mis, alors, l'anonymat peut cacher une fausse identité. Ok, première idée. Voilà, on va voir comment les... Vous nous donnez votre avis si ça se ressemble ou pas. L'anonymat libère la parole. Si on le met avec ou pas. À côté, c'est une idée. Ça se cache et que ça libère. C'est facile de faire circuler des fausses preuves par rapport à la réputation. Donc okay. Je vais mettre avec ça libère la parole. Hein. Ok. Ça va un peu ensemble. L'âge, vous avez parlé de 13 ans, que c'était trop jeune. La possibilité d'être choqué par des images, choc, j'ai mis donc c'est deux fois le même mot, voilà, des images un peu traumatisantes, on va dire. Donc ça va, moi je mettrai aussi avec l'âge. Mmh. Ouais. Parce que. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas pour que je mette avec l'âge? Oui. L'augmentation du risque de suicide du fait des réseaux sociaux. Avec quoi vous voulez qu'on le mette? À part ou pas? Un peu à part. C'est avec l'âge? Alors, on peut le mettre à côté, mais pas trop. Pas trop loin? Pas très loin. Entre les deux. Entre les deux. Entre quoi et quoi tout? Entre les deux, parce que des fois l'âge est dans. Alors, je mets entre l'anonymat et l'âge? Oui. Ouais. Question de l'anonymat, facile de créer un faux compte. Donc. On a parlé plusieurs fois. Une fausse identité. Voilà. Et j'ai fait le tour. Il n'y avait pas un truc qu'on a oublié. Il me semble qu'il y avait un autre truc que vous avez dit. Sur la question de... Sur la vigilance. De la vigilance. De pouvoir être... Ouais. Il y a un système qui... pour bannir tout ce qui incitait à la haine sur les réseaux sociaux, par exemple dans les commentaires. L'incitation à la haine, ouais. Bannir et... pourrait porter atteinte à la personne. Ouais. Alors bannir, c'est déjà une solution, mais en tout cas, il y a des... des incitations à la haine. Il y avait quand même la question, il me semble, vous avez dit, que faire circuler les réputations, ça allait très très vite sur les réseaux. Ça, on ne l'a pas noté, je crois. Non. Bannir les propos haineux, j'ai bien. Dans la libération de la parole, peut-être, à côté, pas trop loin. À gauche, en bas, un peu, ouais. Non, mais à gauche, ouais, en dessous, ouais. Et puis, la vitesse, la diffusion rapide. Est-ce qu'il y en a qu'on a oublié, des choses, là? Vous pensez à autre chose? Des nouvelles idées sur les problèmes des réseaux? Quand on fait passer des fausses informations, ça s'appelle comment? Des fake news. On peut nous rajouter ça. Alors, il y a deux choses. Il y a les fake news et les usurpations. Ça va où? À votre avis, c'est trop rapide. C'est dans les rumeurs. Ouais. Les réputations. Ouais. Ah bah oui, il y avait un truc qu'on n'a pas dit par rapport aux réputations, je crois. Non? Quoi, Alors, il y a diffuseur trop rapide et usurpation d'identité. Et fake news. On peut fermer ? Non, non, c'est déjà fermé. Alors. Il y a des gens qui dorment là, ouais. Alors, moi, je vais commencer à faire la suite. Il y avait fake news. Ah oui, où est-ce qu'on le met ? Quand une personne se. Se fait passer pour une autre personne. Fausse identité. Ah, ouais, et il y avait un truc par rapport. Mélissa, ce que tu avais dit par rapport aux réputations, tu peux le redire ? Qu'on peut facilement faire des réputations. Ah oui, une fausse. Ah oui, tu l'as noté, ça, ouais. Une fausse preuve. Alors maintenant, je vais vous donner. Je vais vous donner chacune trois gommettes que vous allez utiliser où vous voulez. Vous pouvez mettre les trois gommettes au même endroit ou à trois endroits différents sur le problème qu'il faudrait régler en premier, selon vous, chacune individuellement. C'est clair ou pas ? Vous allez coller. Alors, je vous donne trois gommettes. Vous les collez où vous voulez ? Soit ensemble, soit chacun sur un papier différent. Sur le problème qu'il faudrait régler en premier. Dans tout ce qu'on a mis là, dans les post-it, d'accord ? En gros, on doit mettre. Tu peux mettre soit sur trois. Vous avez trois domaines. Tu peux les mettre soit sur trois post-it différents, soit si tu trouves que c'est ce problème vraiment le. Tu les mets les trois sur le même post-it. Tu vois ? Tiens, allez, hop, je te le donne. Et ça peut être même sur le. Vous pouvez mettre les trois sur la même si vous voulez. C'est vous qui voyez. Il faut que je les colle où ? Pourquoi ? Tu peux mettre les trois au même endroit. Tu veux que je fasse pour toi deux, tu ou tu peux mettre deux et une. C'est ce que t'as mis là ? C'est sympa. J'ai cru que tu faisais juste mes copines. T'es gonflé. Tu les mets là où pour toi c'est le plus important. Après tu peux mettre les trois au même endroit, tu peux en faire deux, une. Pourquoi ? Parce que c'est quoi ton vrai contrat ? Tu peux faire changer les choses. Pour pister les gens sur l'anonymat. Ah oui, moi je trouve ça. C'est quoi ? Mais laissez qu'elle dit oui. C'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? De quoi ? J'ai mal écrit. Il y a des contrats qui nous ajoutent à quoi ? De quoi ? Non mais c'est pas. J'écris mal, peut-être tu m'as pas lu. Vas-y, si tu dois répondre. Ouais, moi je mets mes trois gommettes au même. C'est super choquant. Tu dois répondre à ta mère Tu dois lui répondre là, si elle t'appelle. Juste avant l'heure. Ouais. Alors, moi j'ai prévu que ça termine à 9h30. Pour l'instant, on est en train de rattraper notre retard. Donc peut-être on va essayer de venir avant. Au plus tard, ce sera 9h30. On a avancé pas mal, donc parce que là, elles avaient dit plutôt 9h. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort là ? Oui, c'est les choses.